Ehi. Beer qu'avec Innocence, Pierre Mikhailov en rencontre et Beer toujours avec Earth Intruders. Ok, c'est de l'anglais, merci. Est-ce que c'est de l'anglais? On ne sait pas encore. Est-ce qu'on peut suggérer ça à notre linguiste? Nous avons un linguiste ici. Ouais. Jean-Marc. Non, c'est pas Jean-Marc. Non, c'est Suzatska. Oh, Suzatska, ne pleure pas. Entre vite dans la ronde, fais danser tes nappes blondes, ton petit chat. Ta petite chatte reviendra. Elle nous chantera peut-être sur le bord de la fenêtre une mazurka. Monsieur Tremblay? Oui? Vous tremblez trop. Oui, mais voyons donc, Madame Thibodeau. Vous êtes trop dans l'eau. Minouchka ne pleure pas. Puisqu'il aime la musique, chante-lui. C'est où est-ce qu'ils sont, mes marzoukas? Je sais pas, c'est dans mes poches quelque part. Dans l'ossature de mon intubérance. Et puis là, quand à la fin de l'émission, je dis, oui, ah, c'est ici. C'est noir sur noir. Oh, c'est mieux, c'est comme ça. OK, c'est mieux. Ma nouchka ne pleure pas. Entre vite dans la ronde, fais danser les nappes blondes, ton petit chat reviendra, et nous dansera peut-être sur le bord de la fenêtre, une mazurka. Quand te chante la colombe par-dessus les toits, chante avant que la nuit tombe, jolie pétrouche. Pétouchka, ça va? Ça va très bien. Alors, ça schlingue? Ça schlingue, la musique, oui. Non, c'est le bourlingueur. Bourlingueur, arrête de bourligner. Ma mission, c'est de bourligner. Alors, bourling, je bourling. Bourling, gosling, bourling, ma ligne. Oh, j'ai perdu une ligne. Tiens, pas, voyons donc, c'est la ligne. C'est la ligne. C'est Lee Man. Lui, il a qu'on la sonne. C'est Lee Man. Oh, on a pas vu ça. C'est Lee Man. Il se t'apprend. C'est Lee Man. C'est l'électrocution. Dans la chambre, on appelle cela la chambre de la mort. Il y a des pauvres gens qui sont passés par l'Az. C'est vrai. Il ne faut pas en rire, mais comme disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Le conseil de presse du Québec juge que l'animateur Rénal Gagné effectue bel et bien un travail assimilable à celui d'un journaleux graveleux. Plus il lèche la gravelle, plus il deviendra Et puis devant la merveille masquée, je me vois déjà là, sous la couverture, et me suis déchiré de l'anonymat. Nima sur le passage vers la vie. Monsieur, c'est Gréco? Non, c'est Nico. Oh, Nico. Nico! Arrête, Nico! C'est du Nico! Oh, monsieur! Nico! Excusez-moi. Eh, il est très tard. Alors, on peut niquer les Nico. Nico! Est-ce que tu peux niquer Nico? Nous niquons les Nico! OK. Cette semaine, est-ce que... Kakoniko, Linking, Kong, King, Kang. Oups, Kong, King, Kang. Les CD tombent, tout tombe ici. C'est un studio d'improvisation, hein, comme l'émission. Cette semaine, et ce jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons. On n'a même pas à faire d'impro là-dessus. On peut divaguer. Non, mais il y a 11. OK, mais il y a 10. Non, jamais 10. OK. Nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots. Quand on dit là, que c'est une émission anarchiste, c'est pas pour rien, l'anarchie. L'anarchiste! Oh, tu te prends pour Léo Ferré? Je me prends pour Léo hébété. OK. Alors donc, et puis, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'exclure ou d'exclure. Vous me recevez 15. Vous voyez dans quelle zone? La zone étrange. La zone érosaine. Allons-nous les choir? Débit, doc. Manque de boc. Deux tanks. Nous essayons. C'est la fin. Prenons plus servir les moins de couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'exclure. Plaçons en garde à vue le mot ou le verbe coincé. Coincé. Hey, moi, je me coince régulièrement le petit doigt. Puis je me dis, pourquoi pas, c'est... J'aimerais tellement que ce soit l'auriculaire, mais pourquoi l'auriculaire ne veut pas pénétrer dans ce chagrin interminable qu'on appelle la vie? Hey, t'es surmené, toi, là. Va voir mon gynécologue. Hey, coquin, qu'est-ce qu'il prescrit? Il prescrit de la gynécologie. Oh, monsieur, c'est de la magie. Oh, hey, ça coûte comment? Ça coûte à rien. C'est pas gratuit. Non, c'est gratis. Pour qui? Pour les artistes. Moi, je suis pas un artiste. S'il vous plaît, monsieur. Partagez votre émoi. Mais émoi, ce soir, je suis sous la vague. Je me sens divagateur. Et je te vois, l'auteur, qui te chagrine. Mais encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Jean-Luc Boilard, alias Jean-Luc Godard, qui est né à Charlebourg, en banlieue de Québec. Ben oui! Hey! Ce cher Jean-Luc Boilard faisait du cinéma. Il voulait faire du cinéma, mais hors norme. Mais à Charlebourg, le hors norme n'existe pas. Tout le monde est comme tout le monde. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Si tout le monde n'est pas comme tout le monde, faut vivre ailleurs que là-bas. Alors mon Jean-Luc est parti en avion. C'est un avion, ça? Ah oui, c'est un avion... un avion de derrière. Oh, un avion... Un avion de derrière, OK, un avion. Nous n'avions pas trop d'avions en ce moment-là. Mais on l'a propulsé avec son avion. Puis il en avait un gros avion. On l'a bourré d'explosifs, hein, dans son trognon d'avion. Namion. Non, on peut pas le nommer, le namion. Mais l'oignon, parce qu'on voulait pas non plus que toutes les mouettes lui captent les cheveux. Donc on l'a bourré d'oignons, le nognon. Comme ça, les mouettes s'écartent. Tous les oiseaux s'écartent. Les chauves-souris s'écartent. Même René Descartes s'écarte. Et quand René Descartes s'écarte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... On sait pas où on s'en va, là. On a peur, il fait chaud, il fait froid. On est comme dans une atmosphère étrange venue d'ailleurs. Et puis là, là, Jean-Luc Boilard est arrivé, je sais pas comment. Il aurait pu arriver en Zirbani, en Zummani, la Bounbani, la Kibmani, la Mounmani, Yodi Mani, Nemani, Pino à Paris, à côté de la cour Mémel. Excuse-moi, là, mais c'est pas la cour Mémel. Comment ça? C'est la cour sans elle. Oh, OK, c'est la courte... Non, c'est pas la courte, c'est la coupe. La coupe Stanley. Oh, voyons donc. Non, la coupe quoi? La coupe Grey. Voyons donc, la coupe... Arrêtez-moi! Quelle coupe que c'est? La coupe, la coupe, la coupe! Alors, il faut couper la coupe. Il faut couper la coupe. Comme toutes les coupes. Comme toutes les coupes. Ah, mais moi, je l'ai regardé, moi. J'ai le cheveu long, moi. Si une coupe ridiculaire derrière les moignons me ferait sembler à... je sais pas, là, rapidement, là, à... Garou! Non, je ne veux pas. Si ça pourrait me faire penser et surtout me voir comme Céline Dion, je ne veux pas. Si c'est Johnny Bolibé, je ne veux pas non plus. Si c'est Dick Bitters, je ne veux pas non plus. Mais si c'est Reynald Winner... Oh, mais là, Reynald Winner, ça c'est Winner, ça là, là. Monsieur Tabernacle, Mais Luc... Jean-Luc Boilard, quand il est arrivé là-bas, en France, à côté de la tour Babel, là, il s'est dit... Parce que, en fond, dans le fond de ce fond, on l'avait, lorsqu'à l'époque, il pouvait pas voler, mais on l'a mis dans un canard. Un kaki? Pas un militaire, là. Les militaires, ça s'explose. Un canard, ça s'expose. Oh, monsieur, quoi? Un militaire, ça s'explose. Un canard, ça s'expose. Et monsieur, ouais, mais, OK. Lorsqu'il est sorti de ce canard, le cinéma, je suis à bout de souffle, je n'ai jamais pu dire qu'il venait de Charlebourg parce que son langage était particulier une fois rendu là-bas. Mais hey, le nombre de temps que ça prend pour arriver à destination. Il y a plein d'idées qui t'arrivent en tête. Je veux plus être de ce monde. Je veux plus être francophone. Je veux plus être de ce francophone d'Amérique. Puis quand je vais arriver n'importe où, je vais appuyer la langue. Puis là, quand je suis atterri, pow! Ils ont dit, ah ben putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, oh, non, je suis où, là? Putain, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis en France. Là, il y a le clavage. T'as 2 euros, ce mec! Et en même temps, là, c'est un voyeur. Un voyeur. Il regardait à travers les champs. Non. C'était un voyant parce que c'était pas l'euro, c'était les francs. Puis lui disait, à quel euro? Puis là, les gens comprenaient rien. Puis là, c'est pour ça, à bout de souffle, les coupes. Puis ils se sont dit, quel être extraordinaire! Loin le parcours vers nous, loin, mais restons très proches de nous. Restez proches. Vous êtes assez KRL. Coins I'll take a shot. Ça manque de respect. Ça manque de respect. Incroyable. Public. Dans quelle salle c'était ça? Ça c'était au Québec. Au Grand Théâtre à Québec. C'est scandaleux de faire ça pour le public. Ah oui. Il y avait 400 personnes. Un manque de respect. C'était plein à craquer. Ouais. Ok, c'était formule concert. Et c'était plein à craquer. Et monsieur arrive sur scène, le son est pas à son goût, arrête le spectacle. Lorsque le son sera intéressant, rappelez-moi, je serai en arrière de la scène. Et il s'est jamais représenté. Mais ouais, mais pour qui il se prend pour faire mais ça? C'est ça. Alors je crois que c'est ça. C'est son côté peut-être un peu. Peut-être un peu. Oui. Donc il a été victime de sa propre. De son propre caractère. Ego, ouais. Hein, de son ego. Et toi, éventuellement, tu travailles sur quel. Sur une nouvelle roman à lire? Alors en fait. Ah oui, là tu m'avais dit que tu travaillais sur. Je vais peut-être faire un livre sur Jacquenot. Ouais. Sinon, j'ai un projet de. Un projet de roman un peu en partant d'un fait réel. Ce que tu nous as dit au début. Non, autre chose. Ah oui, ok. Alors ce que tu nous as dit au début, c'est pas encore un projet. C'est au stade de projet. Okay. J'ai toujours pas mal de projets. Okay. Mais là, ce qui est vraiment signé que je suis en train d'écrire et qu'il faut que je rentre bientôt, c'est pour les éditions Larousse. Oh. C'est un dictionnaire des années 80. Alors ça, Larousse, vous trouvez, c'est distribué au Québec, j'imagine. Voilà. C'est mondial, c'est comme roman. Voilà, c'est mondial. Ah, donc ça sera disponible. Exemple des mots qui étaient symboliques dans les années 80. Alors c'est pas tellement les mots, c'est moi je travaille plus sur les personnalités. Comme. Alors, comme les grands cinéastes des années 80, les œuvres des années 80, les lieux des années 80, les bars, les clubs où on sortait dans les années 80. Forcément à Paris, ouais. C'est, okay. Pour les clubs, c'est forcément à Paris. Sinon mondialement, pour la culture, c'est plus mondial. C'est, okay. Donc ça Cassavetes, peut-être des années 70-80. On peut pas vraiment dire que Cassavetes, c'est un artiste des années 80. C'est un artiste. Ça s'étend sur plusieurs décennies. Ouais. Ok, qui ont été symboliques en 80. Bah, symbolique dans les années 80, il y a Besson, il y a Benex, oui. Tu vois, dans les réalisateurs français, c'est ouais. Ce moment où, matin, ouais, voilà, de... ça c'est des moments où ces cinéastes explosent. De façon, t'as un film comme Les Lieux de la Paix. Si, bah si, parce que là c'est bien parti. Mais combien de pages? Oh, bah combien de pages, je sais pas. Alors si tu veux en signe, ça va faire environ 1 million de signes. Donc ça sera, je sais pas, du 600-700 pages quoi. Avec photo. Avec des cahiers photos, ouais. Donc, ça coûte cher les photos dans l'édition, donc il y aura. Okay, c'est pour ça qu'il y aura. Oui, il y aura deux cahiers photos à l'intérieur, mais on pourra pas tout illustrer malheureusement, ça serait trop cher de. Thank you. CKRL. Cultive tes goûts. Avec la Lorna, Pierre Mikolov, lorsque je l'ai rencontré en juillet 2010, et Beirut avec The Stroh. Ah oui, il faut dire que l'autre était en train de prendre les nerfs, là. Je ne prends jamais les nerfs. Je suis comme sur le seuil du volcan. Lorsque je vois jaillir les flammes, pourquoi me faire brûler? Ben, pourquoi pas te faire brûler? Je suis... Oui, pourquoi? Pourquoi pas? Je suis miséricorde. Pardonnez-moi si le scintillement vers la droite s'est amené vers la droite. Mais nous sommes de gauche. Et voilà pourquoi nous ne voulons pas d'anomalie. Allez qui? À Nono, la seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Laissons sur la place... Non, faut pas laisser sur la place. Surtout, laissons la place au créateur. Ce moment privilégié... Comment tu voulais dire ça? Ben, j'aimerais ça que ce soit... Le privilège. Mais je crois que hein, c'est étrange, hein? Ma voix. Ben oui, mais t'es un gnougnouzout. Dans les gnougnouzout, on aime bien se divertir, nous. Nous sommes des belles bibittes. Des belles bibittes qui se cherchent la betterave. Mais laissons la place au créateur. Ce moment privilégié. Se consacre à la romance d'une personne qui naîtra dans quelques minutes sous vos yeux. Nom, prénom, lieu et métier se divulgueront au hasard. Monsieur, j'ai la tête qui se discorde de mon tête, de mon arrêt. Au bord de Guy de bord. Oh, alors les Guy de bord. Tous les Guy de bord, s'il vous plaît. Tous les Guy, de bord. Digidi, digidi, digida. Alors donc, les guides de bord qui cherchent bien sûr le bord de l'amour veulent aussi un nom, un prénom, un lieu, un métier qui se divulgueront au hasard dans le petit sac afin d'inventer. Il n'y a pas de petit sac. Excusez-moi. Est-ce que Monsieur Tremblay? Oui, mais qu'est-ce qui se passe, là? On disait que c'est étrange depuis quelques minutes. Oui, mais dis un petit sac. Mais oui, un petit sac. Lâche-le, le petit sac. Il n'y en a pas de petit sac. Ah non, c'est en arrière. C'est en dessous de la feuille. Pourquoi c'est écrit un petit sac? Mais ça, c'est à l'ancienne émission. Lorsqu'on était en studio, il y avait un petit sac. Là, il y a quoi? Il n'y a pas de petit sac. Ben, pourquoi on peut le savoir? Ben, en arrière, il y a une feuille. OK. Fâchez-vous pas. Je suis pas fâché, je suis irrité. Irrité. Irrité comme Irid Bergman. Pas le grand Irid Bergman. Oui, monsieur, la persona. Oui, le cœur du loup. Cœur du loup. M'as-tu vu la lobby à ses phobies à Biba? C'est pas celui-là, c'est l'autre phobie. Bon. Alors donc, dans les petits sacs, afin d'inventer le profil imaginaire d'un artiste qui deviendra le vôtre et poursuivra, grâce à vous, une vie au-delà de ce numéro. Et monsieur, ce numéro doit se décoller. Oui, madame, ça va se décoller. C'est pas une madame, c'est une transgenre. Et monsieur, comment on doit traiter le transgenre? Dans son transgenre... OK. Alors donc, c'est Marilyn Duchesne, éducatrice spécialisée, qui était anciennement, sans doute, Marilyn Monroe. Ben, pas du tout. C'est Marilyn Duchesne, heureuse d'être devant... Autant de glands. Autant de chaînes. Et les chaînes donnent pas de glands. Comment ça, les chaînes? Monsieur Tremblay, vous qui êtes un fermaniste. Je suis pas un fermaniste. Vous êtes un... quoi? Je suis. Vous êtes? Nous sommes. Ils sont. Vous, je suis... Pardonnez-moi, j'ai comme le, un petit hockey cérébral. OK? Mais devant le hockey, nous devons nous laisser. Les pieds du sabolement avec le gros régiment. Je suis bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai changé un petit bout de temps avec le grand tour Montferrand. On a parlé du vent, de la pluie, puis du beau temps. Puis j'ai dit, Joe, dis-moi comment que t'es devenu aussi grand. Que t'es devenu un géant. Il dit, ben, que j'ai le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai changé un petit bout de temps avec l'eau, puis pire maman. L'autre jour m'a dit mon petit garçon, mais si t'apprends bête à leçon, je viendrai que ça sera pas long à faire des poids de 100 pieds de long. J'ai dit Joe, faut que ça décolle, parce que je viens de sortir d'école, puis que par ici, pour ces 20 ans, on est grillé pour perdre son temps. Mais t'es grillé pour perdre ton temps, le cul sur le banc, t'as diamant, l'idée dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai changé un petit bout de temps avec le grand chaud Montferrand. Puis dis, si tu veux faire un vrai géant, va boire même dans la rivière, assis-toi sur les montagnes, puis lave-toi dans l'océan, essuie-toi avec le vent, éclaire-toi avec la lune, dors les pieds sur le bord de la dune, et puis la tête au bout du champ. Et puis la tête au bout du champ, le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent, super sûr de premier plan pour te donner de l'entrejambe. Puis un beau jour, tu sentiras entre tes pieds tourner la terre, et puis tu comprendras le chinois aussi bien que la reine d'Angleterre, tu sauras fermer ta gueule. T'arrêteras de faire des parages pour écouter les nuages. Mais là, tigre, tu seras tout seul. Mais là, tigre, tu seras tout seul. Tout seul, le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. C'est pas fameux pour faire de l'argent, mais c'est bien bon pour perdre son temps. J'ai jamais vu Joe Montferrand, mais j'ai suivi sa petite idée. Puis quand j'ai voulu m'arrêter, j'avais déjà l'âme d'un géant. J'ai remonté sur le Cap Diamant pour raconter mon histoire. Restez là à la nuit noire. À parler dans l'air du temps, puis à parler pour l'air du temps. Les pieds sur le bord du Cap Diamant, le cul dans l'eau du Saint-Laurent. C'est pas fameux pour les cancans, puis pour bien dire c'est fatigant. Autant vous dire la vérité, j'ai pas grandi d'un sacré pouce. En seulement l'autre cœur me pousse, quand je m'arrête de turluter, je reviendrai pour le petit bordel. Je mets la ville dans la campagne, puis si j'en prends son violon, que la province trousse son jupon. Comme un province. Trousse son jupon. Le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai changé un petit bout de temps avec un chaudron, on verra. Film aussi symbolique des années 80. Oui, ben là, je te dis, il y a 37-2, il y a La Nuit de la Pleine Lune, il y a aussi un film qui n'est pas très bien vu des critiques, c'est Les Frères Pétard. Oui, ben oui, avec... Et qui est un film très important, il y a Alain Pacadis dedans, tu vois. Et c'est qui les deux? C'est Villeray et l'autre c'est... C'est Villeray et Lanvin. Lanvin, oui, Gérard Lanvin. Et c'est un film, pour moi, c'est les Blues Brothers français, ça. Oui. Tu vois, c'est l'humour... Ou c'est Cheech and Chong, tu vois, c'est l'humour du joint, transposé à la réalité française, tu vois. Au camembert et au béret. Hey, il faut que je t'explique, il y avait l'émission de Sabatier, c'était pas à Vue de Recherche, mais c'est similaire à ça. Je me souviens plus. Et Coluche était invité. Est-ce que tu fais l'émission avec Sabatier? Moi, j'ai dû voir des extraits. Ouais. J'ai vu des extraits, mais. Ok, bon. Et à un moment donné, un gars de la salle trouve abominable le fait que à Paris, lorsqu'on décroche le téléphone pour appeler, ça commence à la minute, OK? Et le gars est bègue. Et il essayait d'expliquer à Coluche que c'était épouvantable. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose pour les bègues? Et ce gars-là est entendu parce qu'il est dans le film Les Frères Pétard. Ah oui? Oui, à un moment donné, au tout début du film, je sais pas, ils sont dans la rue et on demande la route à ce gars-là et le gars finit pas de... Et c'est le gars a été vu à l'émission de Coluche et de Sabatier. C'est là qu'ils l'ont pris? Oui, ben oui. Ah ouais. Tu savais pas, hein? Mais quand tu vas le revoir, tu vas te rendre compte qu'il y a un bec et c'est ce bec-là qui était au début et c'était complètement tombé. Ah oui, c'est ça, moi je l'ai vu. vu ce film-là récemment, il y a peut-être un an et demi, et c'est là que j'ai associé les deux, parce que j'avais vu il y a quelques mois l'émission, et donc ah oui, c'est vrai. Et ouais, pour toi, c'est un film important? Ben, c'est un film important pour moi, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un film grand public qui a eu beaucoup de succès et qu'en même temps, qui fait avancer la société, qui fait avancer les choses. Tu vois, ça parle ouvertement de la culture jointe, tout ça, qui est connue des initiés, mais ça l'amène à la portée du grand public. Et c'est, pour moi, c'est un humour rock, c'est aussi une conception. C'est comme les films de Poiré. Okay. Tu vois, Jean-Marie Poiré, les cinéphiles l'aiment pas, mais pour moi, c'est des films rock. Il est trop accessible, c'est un peu. Voilà, mais pour moi, c'est des films rock. Quand tu vois mes meilleurs amis, ou c'est mes meilleurs copains, qui parlent de la génération des années 70, qui ont eu un groupe de rock avec justement une chanteuse québécoise qui a quitté le groupe et qui est devenue très célèbre. Louise Portal. Voilà. Et bah, pour moi, c'est une façon rock d'aborder le cinéma, tu vois. Et il y a. Mais c'est pas un film qui a eu un succès, ça, en fait ? Ça, pas trop. Okay. Celui-là, il a pas trop marché. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Un cheval rouge, un cheval blanc. Un cheval pille. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Et nous irons voir tous les océans s'ils sont en vie. Si les océans sont toujours vivants. Est-ce qu'ils sont vivants? Par-dessus les bois, par-dessus les champs, oui. Un oiseau rouge, un oiseau blanc. Un noir. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, okay, oui. Un oiseau rouge, un oiseau blanc. Il n'y en a pas de noir. Un oiseau libre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteaux d'argent. Des couteaux d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc. Le soleil. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc. Un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un nuage monte, un autre descend. Un jour sans ombre. Puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons le cœur triomphant. Vas-y. Un côté rouge, un côté blanc. Un côté rouge. Quand nous reviendrons le cœur triomphant. En triomphe. Un côté rouge, un côté blanc. Un côté homme. Oh. Quand nous reviendrons le cœur triomphant. Alors vous direz, ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Où est-il? Où est-il? Le rectil. Je remonterai sur mon cerf-volant. Oui. Un matin rouge, un matin blanc. Okay. Je remonterai sur mon cerf-volant. Moi aussi. Un matin rouge, un matin blanc. Vas-y, Gilles. Un matin bleu. Oui. Je remonterai sur mon cerf-volant. Moi aussi. Et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés d'eux-mêmes. Hey. Pour jeter les dés dans la main du temps. La mer du temps, avec le temps va, tout s'en va. Vas-y, Gilles. On t'écoute. T'es sué sur les mains. Pour jeter les dés dans la main du temps. CKRL, cultive tes goûts. Hey, c'était Gilles Vigneault avec Joe Monferrand, Pierre Mikaloff, lors de ma rencontre en juillet 2010. Et puis Gilles Vigneault avec le grand cerf-volant. Oh! Si j'avais un beau cerf-volant, pas si lent, pas si pesant, si j'avais un cerf-volant qui pourrait s'envoler dans le vent, si j'avais ce cerf-volant, je ne voudrais plus être lent, si je voudrais être lent, mon immolariment, aériné, je ne voudrais plus être lent, je voudrais vivre. Ouf. Vivre. Luffy. Qui? Dans Luffy. Dans Luffy. Sa fille. Dans Luffy. Ready, girl. Fille. Singulier. Fille. Une fille. Avec toi. Tu veux fuir? Oui, je veux fuir. À l'errance rénaldienne, on peut fuir. On s'enfuit. C'est sublime. On s'en va. Hein? Oh. Hein? Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Ah. Quoi? Ok. On s'excuse, on recuse. De la nouveauté, Hébergeon, on s'excuse. À force de du cuise, on s'excuse. Madame Tremblay, excusez-vous. Mais moi, je m'excuse. Comment vous vous excusez? Ben, c'est très simple, hein, je le dis. Tu dis comment? Je dis je m'excuse. Ben voyons. Pourquoi vous excusez? Ben, pas pour vous excuser vous-même! Oh, ben, foutaise! Je suis foutaise maintenant! Eh, monsieur. Hébergeon, à partir de maintenant, on dit « Eh, monsieur » pour dire « Eh, monsieur! » « Eh, monsieur, vous voyez le monsieur qui regarde mon lamelle! » « Eh, monsieur! » Hébergeon, à partir de maintenant, un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique. Et monsieur, cinématographique. Et enchaînons sur l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, nous incrusterons sur la surface crânique la ramarénie riche. Quoi? Écranique. OK. C'est le film « La cloche a sonné » est un film tourné en 2004 et réalisé par Bruno Herbulot. On y retrouve Fabrice Lucchini et François Cluzet. Pour la sexualité, alors n'oubliez jamais de ventiler, hein. Toujours ventiler, ça vous embête pas le courant d'air? Allez. Pour la sexualité, aucun contact physique. Pas par puritanisme, simplement pas de sexualité. Et évidemment pas de masturbation non plus. J'aimerais que vous arriviez à désirer différemment pendant ces quelques jours. On va essayer de faire quelque chose. On va mettre au repos sa libido. Pas pour l'éternité, vous inquiétez pas. Pour les contacts avec l'extérieur, Vera, tu peux venir, hein, ça va, j'ai pas besoin de la liste. Pour les contacts avec l'extérieur, il faut que vous preniez conscience d'une chose. Ce stage, ce séjour, installe-toi où tu veux, mon chéri. Ce stage, ce séjour, il est pour vous. Il est pour vous. Il faut que vous osiez ce que la société ne vous accorde jamais, que vous osiez dire « oui, je fais ce stage pour moi, moi, ce moi qui est toujours une source de méfiance. La société vous enseigne. Eh bien non, ici, vous aurez le droit de dire « oui, je prends ce stage pour moi. C'est moi qui vais faire ce stage. C'est moi qui vais faire ce stage. » D'accord? Alors, on coupe le portable. Pas de portable. Je voudrais qu'on atteigne une sieste. C'est une sieste. C'est pas grand-chose, le programme que vous allez faire. C'est faire la sieste. Bizarre, hein? On va à un stage, on part en TGV, on part en voiture, je crois que toi, tu es venu en décapotable. On se dit, mais pourquoi je viens à ce stage? Eh bien, vous répondrez, je vais faire la sieste. La sieste de mon moi. La sieste de mon moi. De mon moi social. Voilà. De mon moi, de moi. Et moi qui me prenais que pour moi, moi qui me voyais que moi, je ne suis que moi. Moi, les rangs rénaldiens, vous souhaite. J'ai pas le temps. Raymond, Suzanne, Jean-Claude, c'est à ton tour d'être laissé parler de la gloire. Mon cher Elias, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. C'est pas ma fête, ça, mon cher Elias. Mais c'est pas ta fête, c'est tout le temps ta fête. Mon cher, mais ma fête. Vous me fêtez, vous me voyez trop engraissé. Comme la dinde enneigée, je ne suis qu'un jardin de givre. Ah, comme la dinde enneigée, est-ce ainsi que le spasme? De vivre. Oh, vous me voyez ainsi. Dans une belle harmonie. Je chine. Arrête de chiner, mais. Je chine. J'espère que vous avez passé une belle... On l'a reçu en pleine gueule, là, hein, putain! Bonne émission, on se retrouve la semaine prochaine. Ah ben voyons, le mec, là, c'est bon pour qui, là? Pour rien, là, oh, ouais, c'est fini, là. Quoique... The city fathers, they're trying to endorse the reincarnation of Paul Revere's horse, but the town has no need to be nervous. The ghost of Bellstar, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits a bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor, who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. The king of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters their graves. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves, then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps with a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blues. Geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. I wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Unwrapped the bedroll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the National Bank and a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home in the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. All right. Les bronzés, voilà, alors ça c'est super important aussi, le splendide, ils amènent quelque chose dans l'humour, au cinéma. Mais c'est voilà. Pas les années 80 ça. Si, le splendide, ça explose dans les années 80. Okay. Renault, tout ça. Renault aussi, ouais. C'est Marche à l'ombre, c'est les années 80. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu dis, là je parle de ça et je parlerai pas de ça, puis là à un moment donné c'était édité. J'ai oublié cet auteur. Alors ça, la liste sur le bois, t'en parleras pas. C'est tout la sociale aux années 80, toi. Moi j'ai 70, pas. 80. Bah ouais. Lindbergh, tout ça. Ouais. Lindbergh, c'est. Moi j'adore, mais c'est okay, avant. C'est juste pour ta réaction. Ouais. Il y a d'avoir un Québécois là-dedans. Mais j'adore. Okay. Mais il y aura pas de Québécois. Pourquoi c'est qui les Québécois pour toi importants des années? Parce qu'il y a plein de Belges, mais oui. C'est vrai que bah là, les Québécois importants. Tu peux pas mettre Plastique Bertrand, c'est les années 70, Plastique Bertrand. Ah ouais, par exemple, s'il y a des films importants au Québec. Ah oui, des années 80, ben oui. Ouais. Ben oui, il y a des films de Jules Carle, il y a des... Ouais, ça c'est... Ouais, c'est vrai. Ah oui. Écoute, on peut même voir Pierre Perrault, l'univers de Pierre Perrault. Il y a... Ça faut que je le marque, ça, ouais. Dans les chanteurs et chanteuses, écoute... Est-ce que tu as un stylo? Oui. Merci. Il y a des gens qui ont été des étoiles filantes, un peu comme... Il y a le déclin de l'Empire américain, c'est 80, ça? Toi, est-ce que tu parles de 80 à 89? Ouais, c'est 80. Ah oui, c'est le déclin de l'Empire américain, oui, c'est Denis Arcand. Ça, c'est super important, ça. Oui, c'est Denis Arcand qui s'est présenté à Cannes. Tu disais qui d'autre, aussi? J'ai dit plein de choses. En réalisateur, tu avais dit deux autres noms. Ah oui, tu iras voir. Mais Pierre Perrault, c'est plutôt les années 70. Mm. Non, oublie ça. Après ça, il y a eu Gilles Carle. Est-ce que tu connais Gilles Carle? Non. Carole Laure. D'accord. Mais Carole Laure, tu connais? Bah oui, bien sûr. Ça a été la muse de Gilles Carle. D'accord. Et quand j'ai rencontré... C'est vrai que Carole Laure, maintenant, elle vit en France. Alors, je l'associe un peu à une Française, mais elle vit en France. Hein. Oui, mais c'est parce que sa fille habite en France. Elle fait de la danse, comment t'appelles ça, de la danse contemporaine. Contemporaine, oui, j'adore. Et, Et je discutais avec comment il s'appelle, le guitariste Pêchin, hier. Et il me disait qu'il a fait une... dans les années 90, il s'est promené avec l'or un peu partout, au Canada, au Québec, et puis en France, pendant 2 ans et demi en tournée. Mmh. Donc, Carole Laure, c'est quand même une figure emblématique des années 70-80. Ouais, 80. Et il y a Louis Forêt qui a joué à Paris là, il n'y a pas longtemps. Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. The professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And and he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. And then I'll go, give me some milk or else go home. Bob Dylan. And you know something's happening, but you don't know what it is. Bob Dylan. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Hey, Bob, t'as cette cohérence? Cause something is happening and you don't know what it is. Bob. Do you, Mr. Jones? Mr. Jones. Bob Dylan avec Tombstone Blues et Pierre Michalov, mon invité, et Bob Dylan avec Ballad of a Tin Man. CKRL, cultive tes goûts.